La lisière de la forêt venait d'être dépassée et les voyageurs purent apercevoir une trentaine de cavaliers. Ils étaient armés, les uns de lances, les autres de longs mousquets. « Ce sont les cruels talibas, » dit le docteur, « les farouches marabouts d'Al-Hadji. Voyez des Ferguson, ces villages en ruine, ces huttes incendiées, voilà leur ouvrage. » La poursuite des talibas continua toute la matinée. Vers 11 h du matin, les voyageurs avaient à peine gagné une quinzaine de milles dans l'ouest. Le docteur épiait les moindres nuages à l'horizon. Avec la vitesse actuelle, il fallait compter encore 3 heures de voyage. Bientôt, la nacelle vint raser le sol. Les nègres d'Al-Hadji se précipitèrent vers elle. Mais, comme il arrive en pareille circonstance, à peine eut-il touché terre que le Victoria se releva d'un bond pour s'abattre de nouveau 1 000 plus loin. « Nous n'échapperons donc pas, » fit Kennedy avec rage. « Jette notre réserve de devis, Joe, » s'écria le docteur. « Nos instruments, tout ce qui peut avoir une pesanteur quelconque, et notre dernière ancre, puisqu'il le faut. « Jette les deux fusils, » s'écria le docteur. « Pas avant de les avoir déchargés, du moins, » répondit le chasseur. Et 4 coups successifs frappèrent dans la masse des cavaliers. 4 talibas tombèrent au milieu des cris frénétiques de la bande. Le Victoria se releva de nouveau. Il faisait des bonds d'une énorme étendue, comme une immense balle élastique rebondissant sur le sol. Mais il fallait que cette situation eût une fin. Il était près de midi. « Nous avons encore plus de 150 livres à jeter. »« Quoi donc ?» demanda Kennedy, pensant que le docteur devenait fou. « La nacelle ?» répondit celui-ci. « Accrochons-nous au filet. Nous pouvons nous retenir aux mailles et gagner le fleuve. Vite, vite !» Et ces hommes audacieux n'hésitèrent pas à tenter un pareil moyen de salut. Et Joe, se retenant d'une main, coupa les cordes de la nacelle. Le ballon délesté remonta à 300 pieds dans l'air. Le Victoria, rencontrant un vent plus actif, fila rapidement vers une colline qui barrait l'horizon à l'ouest. Soudain, après avoir franchi la colline, le docteur s'écria « Le fleuve ! Le fleuve ! Le Sénégal !»« Encore un quart d'heure, » dit Ferguson, « et nous sommes sauvés !» Mais il ne devait pas en être ainsi.